كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقضاء، فمن لم يصم بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأسباب فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام. Celui qui a manqué un jour de صيام في رمضان il doit rattraper ce jour. ما الدليل على القضاء؟ تفضل. قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، نعم. ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إلا في شعبان. الحديث في الصحيحين. Et c'est le hadith qu'on a étudié ensemble fi 'Umdat al-Ahkam. كذلك حديث عائشة الآخر لما سئلت عن قضاء الصوم أو عن قضاء الصلاة أي الحائض، لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أمرنا أن نقضي الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، أو كما قالت. الحديث اللي في الصحيح كذلك. Donc celui qui a manqué un jour il doit rattraper ce jour. Est-ce que celui qui a plusieurs jours il doit les faire, il doit les jeûner consécutivement, ou يجوز له de les jeûner séparément؟ عندما تفضل. نعم التتابع il n'est pas واجب. ما الدليل؟ قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، ما وجه الاستدلال؟ أيام أخر ليس تعيين. نعم ما فيه تعيين، هذا فيه إطلاق. فعدة من أيام أخر أي يجن des autres jours à la place. الله سبحانه وتعالى il a pas précisé consécutivement، فالدليل يبقى على ظاهره. هذا القول الصحيح. كذلك أو سيأتي معنا، نعم أنسيت لا دوزيام مسألة. أسك القضاء إلي على الفور أم على التراخي؟ الفور ça veut dire directement après Ramadan. التراخي ça veut dire que t'as le temps avant de rattraper. Est-ce que tu dois rattraper directement après l'Eid؟ أما يوم العيد سيأتي معنا أنه سحرام صيامه، لكن après l'Eid est-ce que c'est obligé de faire le صيام directement أو on a le droit de repousser؟ عندما ها تفضل. نعم on peut le repousser، لكن الافضل c'est le plus rapidement possible. هذا هو الصحيح. ما الدليل انه on a le droit de repousser؟ ما الدليل؟ عائشة رضي الله عنها في شعبان. نعم حديث الباب، حديث عائشة الا في شعبان، أي elle avait صيام rattrapé، elle le retardait jusqu'à شعبان. Et معروف أن شعبان c'est le dernier mois. Après شعبان c'est رمضان. Donc l'essentiel c'est de rattraper avant رمضان. Et on a vu des autres مسائل في هذا. هل يجوز التطوع أي التنفل قبل قضاء رمضان؟ أي celui qui a des jours à manquer est-ce qu'il peut faire un siyam nafila avant de rattraper les jours lundi, jeudi, etc. Hein? Naam. Ma dalil? Naam, hadith Aisha. Lian Aisha radiyallahu anha elle a retardé un siyam jusqu'à Sha'ban. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de nafila. Et tout ça c'est bi iqrar al-Nabi alayhi salatu wassalam. Ah, c'est naam. Fait le tatawwu'. جائز لأن comme on a vu dans la mas'ala précédente c'est permis de repousser donc si c'est permis de repousser tu as le droit de faire as-siyam لكن التنفل أقصد لكن on répète أن الأفضل c'est de faire القضاء أولا le plus vite possible حتى الإنسان il a fait son wajib ثم si il va faire des nawafil il fait des nawafil أما من حيث الجواز فجائز أما الست من شوال est-ce que c'est permis de faire الست من شوال avant القضاء avant de rattraper Ramadan hein on peut le faire mais on ne comprend pas la récompense il y a un hadith pour finir Ramadan pour حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر donc dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité رمضان من صام رمضان celui qui fait رمضان et ensuite il fait 6 jours de شوال il a la récompense donc وبعض العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ils ont démontré أن لابد celui qui veut la récompense qui est citée dans le hadith, il doit déjà jeûner à Ramadan. Et celui qui lui manque un jour, il n'a pas fait Ramadan entièrement. Amen Nabi Sassim Qal, man sam Ramadan. Celui qui a jeûné Ramadan et entièrement, il a le droit de le faire, ou c'est bien de faire 6 jours de Shawwal après. Et la différence, elle est claire. Cette mas'ala, et ce sujet qu'on traite, les 6 jours de Shawwal, avec le fait de faire Siyam 9. Et il s'est recommandé autre que les 6 jours de Shawwal. Pourquoi on a différencié? Pourquoi on a différencié entre les 6 jours de Shawwal et lundi et jeudi par exemple? Lundi et jeudi, on a dit c'est permis. Et les 6 jours de Shawwal, on a dit faut faire Ramadan avant. L'imad, pourquoi on a différencié? On dit qu'il y a un hadith qui nous montre que c'est très profitable de le faire à la suite de Ramadan. De faire quoi? Shawwal. Naam, les 6 jours de Shawwal, on a un hadith khas. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن les 6 jours c'est après Ramadan. أما التنفل أي faire un صيام recommandé autre que les 6 jours de شوال فإنشاءالله الأمر il est واسع. On a toute l'année pour faire le qada, donc celui qui fait صيام recommandé avant de faire le rattraper son صيام obligatoire فلا شيء عليه. مع أنه c'est mieux de faire l'obligatoire avant كما تقدم. أما les 6 de شوال on a un دليل هنا. On a حديث. حديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وبعض العلماء قالوا أنه لا بأس لا بأس si il fait déjà les 6 jours de شوال surtout pour celui qui a une excuse comme la femme qui était en état de nifas ou qui a allaité ou مهم elle n'a pas pu faire une grosse partie de رمضان فربما si elle fait القضاء يشق عليها لأن الدواء جوني طول موت شوال أو ربما سي الدواء جوني رمضان يلا بافي دي طول دونك الدواء جوني طول موت شوال دونك يرى plus la place pour faire les 6 ففي هذا الحال surtout celui qui a une excuse فإن شاء الله الأمر إلي واسع فضل الله إلي واسع كذلك دونك celui qui a une excuse فإن شاء الله il commence les 6 jours de شوال ثم il fait القضاء Et بإذن الله عز وجل il aura la récompense s'il est sincère. أما celui qui a 15 jours à rattraper مثلاً ou 2 jours ou 3 jours et il a tout le mois de شوال pour les faire et il fait les 6 jours avant فلا هذا c'est pas طيب في حاله لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ففي هذا الحال il fait 6 jours surtout si c'est facile pour lui 2-3 jours il les fait ثم il a tout le mois pour faire les 6 jours de شوال لأن les 6 jours de شوال tu peux les faire durant tout شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال تأمل للفظ ستا إلى نكرة ستا أي 6 jours tu choisis 6 jours dans شوال t'es pas obligé de les faire à la suite t'es pas obligé de les faire directement après l'Eid là l'essentiel c'est de faire 6 jours t'as la récompense donc celui qui a 1 ou 2 jours à rattraper plus il veut faire les 6 jours ça lui fait 8 jours 9 jours 10 jours de صيام sur un mois فالأمر il est سهل هذا ما تقدم معنا par rapport à ces مسائل واليوم نقرأ ما بعد حديث عائشة ما يتعلق بالصيام عن الميت قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل يأتي معنا أن بعض العلماء إذن سيتي أن حديث عائشة c'est pour un nadr كما جاء في حديث ابن عباس après. On va citer cette مسألة إن شاء الله. وقال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى donc c'est deux hadiths il montre أن celui qui est un proche qui est décédé et il avait un siyam à faire il a le droit de faire le siyam à la place de ce mort لأنه النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé à une dette c'est comme si un de tes proches il laisse une dette et il meurt, il n'a pas payé sa dette. فَأَنْتَ مِنَ الْبِرِ c'est que tu payes ses dettes. حَتَّى تَبْرَ ذِمَّتْ هَذَا الْمَيِّتْ نعم, لأنه c'est un wajib pour lui. Il a un haq. Cette personne qui lui a prêté cet argent, il a un haq sur lui. Et s'il est mort, ça ne veut pas dire que cette personne, il a perdu son argent. Là, si ce mort, il a délaissé de l'argent... Enfin, les proches, ils prennent de cet argent et ils donnent à cette personne qui lui a fait la dette. Et s'il n'a pas laissé d'argent, enfin, un de sa famille, il l'aide, fihada, et il paye la dette. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la dette avec As-Siyam. L'As-Siyam, s'il meurt, c'est comme une dette. Et un wajib qu'il n'a pas fait, ce proche, il le fait à sa place. Qala ou fi riwaya, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ya rasulallah, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ce hadith c'est précisé صيام النذر صوم النذر النذر c'est un vœu أي cette femme elle est morte et elle avait fait un vœu un nadr en arabe de jeûner et elle est morte elle n'a pas pu le faire أي cette femme elle parle de sa mère et elle dit elle demande au prophète صلى الله Est-ce que je peux faire siyam pour elle? Et ce nadr, ce vœu qu'elle n'a pas accompli. Afa asumu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ara'ayta law kana ala ummik daynun, fa qadaytih, akana dhalika yu'addi anha? La même chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il démontre à cette femme, anna, c'est comme si sa mère elle avait délaissé une dette. Si tu payes cette dette, est-ce que tu auras payé la dette de ta mère? فقالت نعم لا فهم لا دينعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوم عن أمك النبي صلى الله عليه وسلم il lui a fait la comparaison avec les dettes et il lui a démontré à la fin jeûne pour ta mère أي c'est comme une dette que tu vas payer pour ta mère ces hadiths ils nous montrent que un musulman الداعي إلى الله عز وجل il doit donner des exemples aux gens pour qu'ils comprennent le Nabi صلى الله عليه وسلم dans ces hadiths il a comparé الصيام avec الدين avec les dettes. Et ça, c'est muhim. Les nabardanas, ils ont besoin de certains exemples pour comprendre. Surtout des exemples qui vivent au quotidien. Fahiyanan, tu cites un hadith, surtout l'awam. C'est des ignorants, ils n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas certaines choses, ils n'ont pas d'expérience dans certaines choses. Farubbama la yatasawwarun al-mas'ala. C'est possible que ce sujet que tu lui cites, il n'arrive pas à le comprendre. Enfin, comment il va comprendre le hukm? Si tu lui dis c'est permis ou c'est pas permis, il a même pas compris la base du sujet. Comment tu veux qu'il applique ou qu'il comprenne? C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il citait des exemples. Bel Allah azza wa jal, il a cité plusieurs exemples dans le Coran al-Karim. Il donne des, ce qu'ils appellent en arabe, amthal. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a rassemblé ces amthal dans un juz. Et ceux qui sont cités dans le Coran, il les a cités dans un livre et il explique ces exemples. كذلك أخونا عدنان المسقري وفقه الله عز وجل إلى رسمبل ان ليفر et il a cité les amthal qui sont cités في القرآن وفي السنة et il est أوسع et c'est un بحث طيب. Ce sujet il est important, الأمثال, les exemples. Et أنت تستفيد من هذا. Si tu parles avec une personne et il comprend certaines choses, il a de l'expérience dans un domaine et tu peux lui citer un exemple de son domaine pour qu'il comprenne une mas'ala d'din, c'est muhim hada, hatta il comprend. Hadithu an-nas bima yafqahun. Hakadha qala Ali radiyallahu anhu. Tu dois parler avec les gens avec ce qu'ils comprennent, surtout fi umur dinina. Il y en a la plupart des égarements que vous voyez là. Fi saha, dans la communauté, la plupart des égarements, c'est à cause de la mauvaise compréhension. Imma dalil, il n'est pas à sa place. Imma le sujet, il n'est pas compris. Fabardanas, Orobama, ils ne comprennent pas pourquoi tu dis cette chose c'est une bid'a, ou cette chose c'est haram, ou cette chose c'est une sunna. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris de quoi tu parles. Mais tasawwar, il croit que tu parles d'autre chose. C'est pour ça qu'il te dit là, c'est pas comme ça. Il aurait compris ce que tu traites comme sujet. Orobama, il aurait été d'accord avec toi. Donc ça, c'est muhim. Comprendre, awwalan, nous on doit comprendre, et si on veut transmettre, on doit faire comprendre à la personne. Hakadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait, il a fait avec cette femme, ara'ayti law kana ala ummik dayn. Il a expliqué l'un pourquoi c'est utile de rattraper as-siyam à la place du mort. S'il aurait une dette et t'aurais payé cette dette, est-ce que ça lui aurait été utile? Il n'y a aucun doute que c'est utile pour le mort. L'annaou, il avait cette dette. Et un tas, tu lui payes. Donc, yawm al-qiyama, cette dette, elle est payée. Que ce soit lui ou un autre, alhamdoulilah, elle est payée. Hakadha as-siyam. Il lui manque un jour. T'as jeûné pour lui. Donc, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, fasoumi an ummik. Fawaid kathira de ces ahadiths. Kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalam mukhtasar. Et vous voyez toutes les ma'ani qu'on peut tirer. من مات وعليه صيام صام عنه ولي. Une phrase, et il y a beaucoup d'ahkam qu'on va essayer de traiter باختصار dans notre sharh. فإذا مات المسلم وعليه صوم فينبغي et ce مشروع يقضى عنه. أي on rattrape ce jeûne pour lui. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه. Premier cas qu'il faut bien comprendre, il y en a l'un, on va diviser ce sujet en deux. Premier cas, il avait une excuse. ما فرط, c'est-à-dire que il a pas eu un manque. Cheikh Ibn Baz, il va donner l'exemple du malade. Ton père, mathalan, il était malade. Un mois, deux mois, trois mois. Il n'a pas pu faire le siyam. Il est tombé malade avant le siyam, avant Ramadan. Et il est malade le mois de Sha'ban, et le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, le mois de Dhul-Qi'da, qaddar Allah annahu, ce père, il meurt. Al-An, est-ce qu'il a eu un manque? Il n'a pas eu de manque. Il n'a pas eu les moyens et la capacité de rattraper. في هذا الحال قال شيخ ابن باز فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور أهل العلم وبعضهم نقل الإجماع. Certains ont rapporté l'unanimité sur هذا أنه لا يصام عنه. الحقيقة يا أخي لا يسير, لكن كما قال الشيخ عبد العزيز عامة أهل العلم يصوم على هذا. C'est le قول الصحيح. لأنه il n'a pas eu de manque. Donc, si il n'a pas pu jeûner, nous aussi, si c'est un de nos parents ou un de nos proches, on n'a pas à jeûner pour lui. Il n'a pas pu. Si tu ne peux pas comparer une dette. Il n'a rien laissé. Il n'a pas eu un manque et il n'a pas pu jeûner à cause de son insouciance, ou il repoussait, ou il n'était pas sérieux là. Il était malade, il est mort. Qadr Allah. قال شيخ ابن باز لا يقضى عنه صوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور. Il est excusé. ففي هذا الحال on nourrit pas pauvre pour lui, on ne jeûne pas pour lui, les annahu, il est mort et il a fait ce qu'il pouvait. Ça, c'est le premier cas. Donc, il a l'ijma', et fil haqiqa, c'est qawl ammat ahl al-ilm, la plupart des savants, ils sont ala hada, et c'est le qawl sahih. Ça, c'est le premier cas. Donc, premier cas, ce musulman, il est mort et il a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas eu de manque. Deuxième cas, musulman, il meurt et il lui manquait 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou plus ou moins. Lakin, il pouvait les rattraper. Il pouvait les rattraper, il a repoussé, il a repoussé, il a repoussé, jusqu'à ce qu'il est mort. Donc là, vous voyez que c'est différent. قال أو نقرأ كلام أهل العلم فالعلماء اختلفوا في هذا. Il y a une divergence entre العلماء. منهم من قال لا يصام عنه ولا يطعم عنه. خمي قول on ne fait pas siyam, كذلك on n'aurait pas de pauvre pour lui. Pourquoi ? Ça y est, ma'ana. Anahaoula, ils disent que chacun il a ses œuvres. Je ne peux pas œuvrer pour un autre. C'est Qawl Imam Malik, ou Abi Hanifa, ou Shafi'i, fil Jadid. Shafi'i, on va voir qu'il a deux Qawl. Son dernier Qawl, c'était Hada. Tu ne fais pas siyam pour lui, et tu n'aurais pas de pauvre pour lui. Stadallu, bi Qawl Allahi Azza wa Jal, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Et ce qui est utile pour la personne, c'est ce qu'il œuvre lui, c'est ses œuvres à lui. Illa ma sa'a. Et c'est lui qui a été la cause, c'est lui qui a fait. Ça montre que les œuvres d'un autre, c'est pas utile pour lui. Stadalu bi hadhihi al-aya. Kadhalik bi qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha mat ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Si l'être humain meurt, ses œuvres, elles s'arrêtent sauf dans 3 cas. Celui qui a un enfant pieux, sadaqa jariya, ou un ilm qu'il a laissé. Le hadith, il est ma'rouf, fi sahih muslim. Donc, pour eux, les œuvres de l'être humain, avec la mort, elles s'arrêtent. Donc, si un autre est jeune, c'est pas utile pour lui. Il y en a dans le hadith, c'est pas citer le jeune. C'est citer al-sadaqa, et c'est citer al-ilm, et c'est citer al-du'a. Qal ibn Hazm, Abu Muhammad, rahmatullah alayhi, fi al-muhalla, أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فحق. Son كلام il est قوي. أما le دليل qu'ils ont utilisé, qu'ils ont cité, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أي ce qui est utile pour l'être humain, c'est ce qu'il a fait lui. C'est حق, c'est cité dans le Coran. قال إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. وهو الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ابن حزم رحمة الله عليه يقول أن celui qui a révélé وأن ليس للإنسان إلا ما سعى c'est lui qui a révélé aussi لتبين للناس ما نزل إليهم. Tu dois, Allah سبحانه وتعالى il a dit à son messager, tu éclaircis aux gens ce qu'on t'a révélé. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a éclairci ce verset وأن ليس للإنسان إلا ما سعى avec hadith Aïcha. Vous avez compris? قال on finit, ça va être plus clair. فنص فصح انه ليس للانسان الا ما سعى وما حكم الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم ان له من سعي غيره عن والصوم عنه من جمله ذلك. ابن حزم montre ان نعم la personne, les œuvres des autres, elles sont pas utiles sauf ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a démontré. لان الله قال من يطيع الرسول فقد اطاع الله. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ان celui qui meurt alors celui qu'un de ses proches meurt, il peut jeûner pour lui. S'il a délaissé un siyam wajib, bien sûr. Un siyam neuf, le fala. Le Nabi Sassam, il a comparé à une dette. Et le siyam qui n'est pas obligatoire, ce n'est pas une dette. Mathalan, ton père, il est mort et il n'a pas fait lundi, jeudi. Tu veux faire lundi, jeudi pour lui. Là, lundi, jeudi, aslan, ce n'est pas obligatoire. Donc, tu ne peux pas rattraper pour lui. Un siyam obligatoire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré. Fa istidlal, ashab al-qawl awwal, في الحقيقة في نظر هو أن ليس للإنسان إلا ما سعى لأن الله عز وجل nous a démontré qu'on doit obéir au prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a démontré si un de tes proches meurt fais siyam pour lui. Donc في الحقيقة أصحاب القول الأول ils ont pris ce verset et ils n'ont pas pris les autres adillah et ils ont une raison رحمة الله عليهم c'est des أئمة اجتهاد la compréhension لكن نحن en tant que suiveur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de prendre tous les adillah. Donc, al-qawl awwal fi nadar. Qawl awwal, il n'est pas sahih. Le deuxième qawl, أنه لا يصام عنه إلا النذر. Deuxième قول, c'est que tu ne peux pas jeûner pour lui sauf un nadr, sauf s'il a fait un vœu de jeûner et il n'a pas pu accomplir son vœu. Si c'est un proche, tu fais as-siyam à sa place. C'est le qawl l'imam Ahmed, rahimahullah. Kadhalik, Al-Layth ibn Sa'd, Ishaq ibn Rahawai, ils ont choisi hadha al-qawl. Et l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, fi tahdhib al-sunan, il a clarifié, il a démontré que ce qawl c'est le haq. Pour lui. Et fi al-haqiqa, son kalam il est qawl. Ibn al-Qayyim, dans ce livre, tahdhib al-sunan, il a démontré que al-murad c'est al-nadr faqat. Cheikh al-Islam, كذلك, fi umdat al-fiqh, shar' umdat al-fiqh, il a démontré hadha. Ils ont cité comme dalil, pour appuyer leur qawl, le hadith qu'on a cité d'Ibn Abbas. Cette femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle a fait un vœu. Et elle n'a pas pu accomplir ce vœu de jeûner. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, jeûne pour ta mère. L'annaha, c'est comme si elle a laissé une dette. Qala al-Hafidh ibn Hajar, rahmatullah alayhi, wa laysa baynahuma ta'arud, hatta yujma' baynahum. Pourquoi? Ashab al-Qawl al-Thani, ils ont dit, hadith ibn Abbas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme qui lui a posé la question, sa mère elle est morte et elle avait fait un vœu de jeûner, elle n'a pas jeûné. Pour eux, ashab al-Qawl al-Thani, ils ont dit hadith Aisha, man mat sama anhu waliyuh. Pour eux, il est expliqué par hadith ibn Abbas. Aïe, celui qui meurt et qui a délaissé un jeûne, aïe, un nadr, comme c'est expliqué dans hadith ibn Abbas. Vous avez compris? Donc, le hadith de Aisha, il est global. Le hadith ibn Abbas, il est plus spécifié dans un cas précis. Donc, Ashab al-Qawl al-Thani, ils ont dit, hadith Aisha, il est global, hadith ibn Abbas, il explique, donc l'on prend hadith ibn Abbas. Al-Hafidh ibn Hajar, il dit, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَارُدْ حَتَّى يُجْمَعْ بَيْنَهُمَا. Et ça, c'est un qawl tayyib. Léana, tu dois rassembler les deux dalils s'ils se contredisent. Amma l'an, Al-Hafidh ibn Hajar, il dit, il n'y a aucune contradiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aisha, si quelqu'un meurt de tes proches, ou celui qui il perd un proche, il peut jeûner pour lui. Et dans Hadith ibn Abbas, il a répondu à la question de cette femme. Donc il n'y a aucune contradiction pour qu'on dise celui-là, il explique celui-là. Là, la femme, c'était pour Nadr. Donc on dit Nadr, tu peux le rattraper. Aisha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré que c'était global. On dit celui qui meurt et qui a délaissé un somm obligatoire, que ce soit Nadr ou autre, elle rattrape. À où tu peux jeûner pour lui. هذا قول الحافظ ابن حجر c'est le قول الصحيح. On va voir c'est le troisième قول. قال الحافظ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. نعم, cette femme, c'était son cas précis. Sa mère, elle avait un vœu à faire et elle n'a pas pu le faire et elle a demandé est-ce qu'elle peut jeûner à sa place. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Donc en faire une règle pour tout là, c'est un cas précis. قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تقرير قاعدة عامة. أما حديث عائشة c'est une règle. من مات صام عنه وليه أو كما قال. نعم, من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام, celui qui meurt et qui devait faire un صيام, il n'a pas pu le faire, صام عنه وليه. Donc ça englobe النذر et autre. Donc ce صيام il est obligatoire. قال الحافظ وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره فدين الله أحق أن يقضى. مام حديث ابن عباس كأصحاب القول الثاني يبخن كبر للنذر في الحقيقة هي عموم حقيقة هي جنراليتي سي لا parole du prophète صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى أي les dettes envers Allah tu dois encore faire plus d'efforts pour les payer. Et on sait que celui qui a laissé un siyam obligatoire, c'est comme s'il avait délaissé une dette envers Allah Azza wa Jal. Donc, al-qawl sahih, c'est le troisième. Kama bayyana al-hafidh ibn Hajar fi al-fath. Et qawl ibn al-qayyim fi tahdhib al-sunan il est qawi, lakin fi al-haqiqa, on a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Aisha. C'est une parole globale, et on peut appliquer les deux. Hadith ibn Abbas, on dit c'est fi al-nadr, hadith Aisha, on dit c'est global, et il n'y a aucun problème. Fahada. Le qawl al-thalith, donc, il y a somme ou anhu. Aïe somme. Tu rattrapes s'il a délaissé un siyam obligatoire, bien sûr, on refait la précision, il n'était pas mufrid. Il n'a pas eu un manquement. Il a fait les efforts, il n'a pas pu. Il est mort avant. Matalan est malade. Fahiyad al-hal, yusam, n'am, sawa'un kana nadran, ou qada'an, ou kaffara. Tant que c'est un siyam obligatoire, que ce soit il a manqué Ramadan, ou il avait une kaffara, matalan, un musulman, il a eu des rapports avec sa femme pendant Ramadan. Il doit jeûner, on a vu, 2 mois consécutivement. Qaddar Allah, après Ramadan, il commence une semaine, il meurt. Il lui manque combien ? Un mois et trois semaines. C'est comme un dayn, c'est une kaffara. Fafiyad al-hal, un proche, il les rattrape pour lui. Al-nadr, c'est le vœu. Al-qada, c'est ce qu'il a manqué de Ramadan. Kaffara, on a donné l'exemple avec les 2 mois. Et ce qu'on dit, c'est jama'a. من أهل العلم كالأوزاعي وأبي ثور إلى شوزي سقول كذلك الإمام البيهقي والحافظ ابن حجر إذا رجح سقول ونهلو لا parole de الحافظ البيهقي كذلك إلى شوزي سقول الإمام الصنعاني إلى شوزي سقول parmi les contemporains الإمام ابن باز والعلامة الشيخ العثيمين الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي rahimahumullahu jami'an, il a choisi kadhalik ce qawl. Donc, tant que c'est un siyam obligatoire, tu peux le rattraper pour ce mort. Et ça, c'est min al-bir. Ça, c'est min al-bir, surtout les parents. Ça fait partie de la piété envers les proches, surtout les parents. Bien sûr, si c'est un musulman. Amal kafir aslan, il fait pas siyam, et s'il meurt, on ne peut pas rattraper pour lui, c'est les mots à l'al-kufr. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas accepté de lui vivant et il n'acceptera pas après sa mort. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi al-sharh al-mumti' al-qawl al-rajih. Donc, on récapitule tout avec la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Al-qawl al-rajih, la vie le plus juste. Anna man mat wa alayhi siyam fard bi asli al-shara fa inna waliyahu yaqdiyahu anhu. La qiyasan walakin bin nas. On ne peut pas faire qiyas avec quelque chose via d'al-hal. Là, on a un nas clair. Qal wa huwa hadith Aisha. Man mat wa alayhi sawm, sawm anhu waliyah. Hadith il est clair, fil haqiqa. Qal Cheikh Ibn Uthaymeen, wa sawm nakira, ghayr muqayyada bi sawm mu'ayyan. Dans le hadith de Aisha, man sawma wa alayhi sawm. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a précisé ce sawm? Il n'a pas précisé. Il a dit, wa alayhi sawm, il a un jeûne à faire. Ça nous montre que c'est obligatoire. Ça fait sortir le jeûne qui n'est pas obligatoire. Amma, différencier entre un nadr, qui est obligatoire. Le vœu, c'est obligatoire. Celui qui fait un vœu de jeûner, il est obligatoire de jeûner. Et Ramadan, qui est obligatoire, celui qui est différencié entre les deux, il faut un délit. Eux, ils vont répondre, hadith ibn Abbas. Nahna, on va dire, hadith Aisha. Il n'y a aucune contradiction, donc on applique les deux. On dit un nadr. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu parce que cette femme lui a posé un nadr. Et hadith Aisha, il est global, il englobe tous les siyams obligatoires. قال شيخ العثيمين اختصر son قول لأنه il est long. وأيضا كيف يقال إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل. كذلك si tu médites sur ce sujet, tu verras que la plupart des musulmans qui meurent, est-ce qu'ils ont délaissé des jours de Ramadan ou des vœux qu'ils n'ont pas accomplis? En général, c'est Ramadan. Mais celui qui fait un vœu et qui ne l'a pas accompli, c'est pas tout le temps. Mais ceux qui ont eu un manque de Ramadan sont beaucoup. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen il dit, فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر. Comment on a un hadith global et on va délaisser la plupart des cas, et ceux qui meurent, ils ont délaissé Ramadan, pour comprendre ce hadith avec un cas qui est rare, ou qui est beaucoup moins courant que ceux qui délaissent Ramadan, et ils le veulent, et on dit le hadith, ça veut dire le vœu. Et c'est pour le vœu. Hada, c'est un qawl tayyib, qawi, et ça montre fiqh. Hada, al-imam, rahmatullah alayhi. Qala, hada tasarruf, ghayr sahih fil adilla. Wal adilla innama tuhmal ala al-ghalib al-akthar. Na'am. Al-adilla, c'est la compréhension, c'est sur les cas les plus courants. Mais tu prends un délit et tu délaisses la majorité des cas et tu prends pour une situation qui est très rare, ce n'est pas une bonne compréhension. قال الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صياما يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. نعم. وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة. صح أصحاب القول الثاني. يقولون أن حديث ابن عباس وكسيت الفو يسبيسيفي لحديث عائشة كجلوبال pour tout le صيام. شيخ ابن عثيمين va répondre فيقال إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. Si notre cas, cette femme, elle demande pour un nadr, est-ce que nadr, ça fait partie de siyam obligatoire? Non. Donc, c'est une partie de l'obligatoire. Tu ne peux pas dire que c'est la compréhension du hadith et tous les jeûnes obligatoires qu'il a parlé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le nadr. Là, c'est une partie. Donc, tu dis que cette partie, elle rentre dans cette globalité, l'obligatoire, et les autres parties aussi. Kafara et qada. C'est ça le qawl sahih. بل يكون تطبيقا مبنيا للعموم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا répondu à cette femme parce que cette femme elle lui a demandé sur le vœu. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam en répondant à cette femme il a voulu montrer que c'est que le nadr qu'on rattrape? Là ça il faut un dalil pour هذا. قال شيخ ابن عثيمين وان العموم في حديث عائشه من مات وعليه صوم شامل لكل صور الواجب. قول شيخ ابن عثيمين il est قوي. C'est pour ça qu'il a dit à la fin وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الشافعي القديم. الإمام الشافعي لا دو مذهب l'ancien et le nouveau. Dans le nouveau son dernier قول c'était que c'est tu rattrapes pas. Le premier قول qu'on a cité les trois أقوال. Et son ancien قول c'est le correct celui qu'il a choisi شيخ ابن عثيمين. وقال وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. Ça nous montre كذلك أن si un imam il change d'avis ça ne veut pas dire que c'est forcément le حق. من باب أولى واحد سفان إمام لأن الإمام الشافعي لفان قول ستنحق ثم إلى شانجي بغنود قول اجتهاد منها رحمة الله عليه. لكن je comprends pas qu'à chaque fois qu'un imam change de قول ça veut dire que forcément il a trouvé le حق أو ce qu'il va dire c'est le حق. لا c'est quoi العبرة c'est le دليل que ça soit un ancien ou un nouveau قول. مثلا نحن الشافعي il a changé de قول لكن نحن on garde son ancien قول. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur حديث عائشة et حديث عائشة il est صحيح il est واضح. هذا والله أعلم. On résume, الصحيح c'est que si un muslim il meurt et il a délaissé un siyam obligatoire, il ne l'a pas rattrapé, il a eu un manquement, un manque de sérieux, ou il repoussait toujours, rafla, l'insouciance et il est mort, on a le droit de rattraper son siyam obligatoire pour lui. Que ça soit un vœu, que ça soit Ramadan qui est obligatoire, que ça soit une kafara, في هذا الحال, on a le droit de rattraper pour lui. C'est le قول الصحيح. الآن on a traité la base du hadith ou des deux hadiths, hadith Ibn Abbas, hadith Aisha. الآن on cite des masaïls qui sont liés à هذا. On lit ces masaïls de Misk al-Khitam Sharh Amdat al-Ahkam les akhina Sheikh Zaid wafaqahullah. Est-ce que ce siyam il est obligatoire pour toi? Amma celui pour qui il est obligatoire il est mort, notamment ton père ou ta mère. Ramadan, pour eux, c'est obligatoire. Ils n'ont pas rattrapé, ils sont morts, ils ont eu un manquement. Est-ce que pour nous, en tant que fils, c'est obligatoire? اختلف العلماء في هذا beaucoup d'aqwal. Le premier qawl, ou deux qawl plutôt, le premier qawl, يستحب ولا يجب. C'est recommandé et c'est pas obligatoire. Et c'est qawl jumhur ahl al-ilm. La plupart des savants, ils sont à la hada. Et c'est le qawl al-sahih. Certains, ils ont rapporté les jma'a, lakin, ma fi jma'a. Ibn Hazm, et Dawoud, al-Zahiri, ils ont khalif fi hada. Kadhalik Abu Thawr. Ils ont dit, eux, que c'est obligatoire. Pourquoi les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait ordonné hada. Man matu alayhi siyamun sama'an hu waliyah. C'est un khabar bimana l'amr. On doit jeûner pour lui. Donc, al-Zahiriya, ils ont compris que c'était un ordre, ils ont dit c'est obligatoire. Lakin, c'est pas obligatoire, al-Sahih. Pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué. Qala rahmatullah alayhi. Il a expliqué pourquoi la base de l'ordre, c'est l'obligation, normalement. C'est ça notre din. Quand il y a un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ordre, al-Amr, yurid al-Wujub. Tu comprends de l'ordre une obligation. Lakin, si tu as un autre dalil qui montre que ce n'est pas obligatoire, ça devient recommandé. Huna, Cheikh Ibn Uthaymin, il a démontré pourquoi ce n'est pas obligatoire. قال rahmatullah alayhi fi al-sharh al-mumti' sarfuhu 'an al-wujub qawluhu ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ça c'est قول الله عز وجل في سورة الأنعام. قال شيخ العثيمين ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم قضائه أن تحمل أو أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء به القرآن. Le verset Allah سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي tu peux pas être responsable des manquements d'un autre ou des fautes d'un autre. الوزر en arabe. مثلا celui qui a pas fait le siyam Ramadan et il l'a pas rattrapé, il n'a pas été sérieux, il a eu un manque. Est-ce que toi, si tu fais pas ce siyam, tu peux être pécheur comme lui, alors que toi, fi al-haqiqa, à la base, tu n'as rien à voir. Si tu fais, c'est min bab al-ihsan. Wa ma 'ala al-muhsinina min sabil. Toi, c'est min bab al-ihsan, min bab al-birr. Donc c'est recommandé. Si tu le fais pas, anta ton siyam wajib, tu le fais pour toi. Amma pour un autre, tu ne peux pas prendre la responsabilité. Donc, tu comprends de Qawlullah Azza wa Jal, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Et la mas'ala qu'on a vu auparavant, que le faire pour ce mort, c'est recommandé. Là, qu'on répète, pour les parents, l'insan, il doit être motivé. Les nahum, ils ont un haq kabir sur nous, et ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous. Nous, c'est le minimum. Même si c'est deux mois consécutifs, on patiente, on s'entraide, Inch'Allah, hatta on y arrive. Une autre mas'ala, est-ce que, ou avant de citer celle-là, on cite c'est qui Al-Wali. C'est important cette mas'ala. Il y en a le hadith qu'on a, Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. C'est qui le Wali? Faddal. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. Maintenant on dit un musulman, il s'appelle Mohammed, son père il meurt. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Le wali de ce mort, il doit jeûner. » C'est qui? Son enfant. Son enfant. Plus vaste que son enfant. Non, son proche. Un de ses proches. « Hada huwa al-wali. » Qala al-hafid ibn Hajar, « Al-murad bi qawlihi wali, kullu qarib. » Un proche. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être son neveu, etc. Al-muhim, un proche. À بعضهم, ils ont dit c'est le warith. Le warith est celui qui hérite de cette personne. Si c'est le père, le fils, c'est lui l'héritier de ce père. Et à la kulli hal, Cheikh Ibn Uthaymin il a fassal cette mas'ala, on ne rentrera pas en détail. À la kulli hal, un proche. Ça va impliquer un autre sujet. Est-ce qu'un étranger, il peut jeûner pour ce musulman? Dès qu'on dit un étranger, il n'est pas de sa famille. Matalan, tu sais qu'un musulman, il lui manquait deux jours. Tu le connais, lakin ce n'est pas un membre de ta famille. Est-ce que tu peux jeûner pour lui? Il y a un khilaf avec l'ahl al-ilm. Et Cheikh Zaid, il a cité les aqwal. Al-qawl al-awwal yakun khassan bil-wali. Le premier qawl, c'est que pour les proches. Al-Hafid ibn Hajar, il a rajjah ce qawl. Le deuxième qawl, c'est permis pour un étranger, lakin avec la permission du wali. Mathalan, tu sais qu'un musulman il est mort. Tu le connais, tu sais que ses enfants, personne n'a jeûné pour lui, tu leur demandes la permission. Surtout quand c'est un jour, en général c'est simple, mais quand c'est long, il lui manque un mois de Ramadan ou kafara de deux mois, et eux ils ne la font pas, et un tas, tu demandes la permission. Anna, je suis motivé, j'ai envie de jeûner pour votre père, est-ce que vous donnez l'autorisation? S'ils disent na'am, c'est permis. Ça c'est le deuxième qawl. Et c'est rapporté à l'imam Ahmed. Le troisième qawl, il y a djouz lil ajnabi. Que ça soit avec la permission du wali ou sans la permission. Et l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, ka'annahu, il penche vers ce qawl. Et Ibn Taymiyyah, il a choisi ce qawl. Pourquoi? Parce que c'est une dette. Fadaynullah ahaq an yuqda. Et la dette, si elle est payée par un étranger, c'est valide. Donc, si tu compares la dette avec al-siyam, kadhalik, ça englobe l'étranger. Et c'est le qawl, wallahu a'lam, qui est le plus proche du sawab. Kadhalik le hajj. Le hajj, c'est permis, un étranger le fait pour un musulman. Et, al-siyam, ça ressemble au hajj, c'est une ibadah, c'est une ibadah. Donc, l'aqrab, c'est le qawl al-thalit, wallahu a'lam. Toutes ces masaïles, on les a détaillées dans les doros qu'on avait fait avec nos frères Adam Maj. Ay, ihda, al-thawab, il-mayyit, offrir la récompense de nos œuvres aux morts, on avait fait des trois durus fima athkur et on les a propagés wallahi alhamd et on a détaillé ces masail. Là c'est notre sujet l'un. Donc celui qui veut plus de détails, falyuraji tilka ad-durus et surtout aqwal ahl al-ilm. Une autre masala liée avec notre sujet, hal lil awliya ou li awliya al-mayyit an yajtami'u wa yasumu an maytihim yawman wahidan. Mathalan, ce père, il lui manquait 4 jours de Ramadan. Et il ne les a pas rattrapés alors qu'il avait la capacité. Qadr Allah, il est mort. Mohim, il a une dette 4 jours. Il a 4 enfants. Est-ce que ces 4 enfants, ils peuvent tous jeûner le même jour? Et ça équivaut à 4 jours. Ils jeûnent tous le lundi. Il a 4 enfants. Le premier jeûne, le deuxième jeûne, le troisième jeûne, le quatrième jeûne. Il y en a 4 qui ont jeûné. Est-ce que ça équivaut à 4 jours? C'est une masala, elle est importante. قال الإمام النووي رحمة الله عليه إذا قلنا أنه يجوز صوم الولي عن الميت. Bien sûr, l'imam Nawawi précise qu'il y a un khilaf. Si on dit que c'est permis, et c'est le قول الصحيح. وصوم الأجنبي بإذن الولي فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد. L'imam Ibn al-Nawawi رحمة الله عليه, il cite une personne qui avait 30 jours à rattraper, et le mois complet, et 30 musulmans. Si on fait rentrer l'étranger, il y a un khilaf, on a dit que ça rentrait. 30 musulmans, ils jeûnent pour lui le même jour, le premier jour de Ramadan. Donc ça fait 30 personnes qui ont jeûné. Est-ce que ça fait 30 jours? قال الإمام النووي فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ Est-ce que ça équivaut à tout le mois de Ramadan? Donc si les 30 ils le font, cet homme il aura payé sa dette et ces 30 jours ils ont été rattrapés. قال فهذا ما لم أرى لأصحابنا كلاما فيه. الإمام النووي l'a recherché dans son madhhab, c'est madhhab l'imam Shafi'i. L'imam Nawawi c'est un Shafi'i le madhhab, et il n'a pas trouvé de parole sur ce sujet dans l'école de l'imam Shafi'i. قال وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حسن البصري أنه يجزئه. أما البخاري رحمة الله عليه dans son sahih il a rapporté عن الحسن البصري أنه نعم c'est valable. C'est comme s'il avait jeûné cet homme les 30 jours. وهذا هو الظاهر الذي نعتقده. الإمام النووي قال نعم c'est valable. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا 15 enfants, cet homme il a 15 enfants, وأراد كل واحد منهما أن يصوم يوما عن 30 يوما. C'est le même exemple sauf que c'est les chiffres qui sont différents. Cet homme il a 15 enfants, chaque enfant il jeûne 2 jours. 15 fois 2, ça fait 30. Donc, ils ont rattrapé les 30 jours. Est-ce que c'est valable? قال الشيخ ابن عثيمين فيجزي ولو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزي. نعم, الشيخ ابن عثيمين dit que c'est valable. L'essentiel, c'est de jeûner les jours. Chaque personne, elle jeûne. Si jeûne 30 personnes, elle jeûne un jour, ça fait 30 jours, donc c'est valable. Al-Hafidh, rahmatullah alayhi, Ibn Hajar, il fait une précision importante. قال لكن الجواز مقيد بالصوم لم يجب فيه التتابع. Vous avez compris? لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع. Si vous avez compris qu'un mot de la phrase, normalement vous pouvez déduire c'est quoi la précision de l'imam Al-Hafidh. Nafila, tu ne la rattrapes pas, c'est clair. J'ai pas cité le mot tatawwu. Lakin al-jawaz muqayyad bi-sawm lam yajib fihi at-tatabu'. J'ai pas dit tatawwu. Ah, famadha? La. Hein? Famadha consécutif. C'est quoi la précision qu'il a fait sur consécutif? Là. Les deux jours, par exemple, vous êtes consécutifs. Là. C'est 15. Là. Ça n'a plus rien à voir avec l'exemple des 15 ou des 60 qu'on a cité, des 30. Ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est un autre sujet, il précise. Là, qu'il y a le jawaz. Il s'est permis de se rassembler pour jeûner. Matalan, ce père, il a 30 jours. il se rassemble 30 personnes, ils se jeûnent tous un jour, ça lui fait 30 jours. Sauf dans un cas, c'est pas permis. Si ce mort, il a délaissé un siyam, il est obligé de le faire consécutivement. Comme le kafara, les deux mois. Les deux mois, la condition c'est quoi? C'est que ça soit mutatabi'i. Donc, le rattrapage, il doit se faire deux mois consécutifs. On n'a pas le droit maintenant de prendre 60 musulmans et on leur dit, un tel, il a laissé une kafara, deux mois, il est mort, qadr Allah, il n'a pas pu jeûner. Donc, 60 frères, maintenant, ils disent, moi, je jeûne un jour, tous, ils disent, on jeûne un jour, ils font les 60, un jour, ça fait deux mois. Là. Pour Ramadan, oui. Pourquoi pour Ramadan, oui? Même le kafara, c'est obligatoire. La condition pour le qada, c'est pas que ça soit consécutif. Al qada, tu peux faire un jour, tu te reposes. Al qada, on a dit, l'essentiel, tu le fais dans l'année. Amma, les deux mois consécutifs, c'est une condition consécutive. Et vous avez remarqué que les deux mois, il n'y a pas de qada. Il n'y a pas un temps précis pour les deux mois. C'est pas comme Ramadan. Dès que tu es prêt, tu fais deux mois consécutifs. On avait même dit, tu évites le Eid. Tu ne fais pas de l'Hijja. Là, tu seras bloqué par l'Eid. Là, tu choisis deux mois. Il n'y a pas de Eid. Il n'y a pas de choses qui vont te bloquer. Et tu fais les deux mois consécutifs. Bien sûr, sauf si tu as une excuse. Donc, pour les deux mois consécutifs, ce père, il avait deux mois à faire. Un de ses fils, il prend la responsabilité et il jeûne deux mois consécutifs. Qala Cheikh Uthaymeen, il a cité cette mas'ala. وأن التتابع يجب نعم قال الشيخ العثيمين أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع ولأن كل واحد منهم لم يصوم شهرين متتابعين. Donc pour la kafara, deux mois consécutifs, tu peux pas faire tous on fait le même jour et ça fait 60 jours. Cheikh Zaid cite une autre mas'ala. Si tu as compris ça, يمكن, une personne elle peut dire يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام وإذا أفطر صام الثاني ثلاث. Vous avez compris? أما les faire tous le même jour, non, il faut que ça soit consécutif. Lakin, on peut, notre groupe, moi je fais 10 jours, le frère il fait 10 jours, le frère il fait 10 jours, ça fait 30, le frère il fait 10 jours, 40, 50, 60, on a fait deux mois consécutifs. Ça a été consécutif, lakin, pas d'une même personne. Est-ce que c'est permis? قال الشيخ زائد فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين وعليه فنقول إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم سيبفبا سيستخو ديفيسيل أصلا on a dit c'est pas obligatoire pour eux. Si un des enfants il a la force et il est motivé et il fait les deux mois, il aura fait deux mois consécutifs. Amma les partager, je fais 10 jours, et après un tata enchaîne 10 jours, il n'y a pas eu deux mois consécutifs d'une même personne. C'est pour ça que la kuffara, elle est plus difficile que le reste. Et là, c'est deux mois consécutifs. Alladhi yadhhar kama qal, c'est qu'une personne, elle doit les faire. S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas obligatoire. Et s'ils nourrissent pour chaque jour un pauvre, l'amr, il est wasi'. Wallahu ta'ala a'lam. Andur al-shar' al-mumti' Cheikh Ibn Uthaymeen, il a détaillé ce sujet. كذلك الحافظ في الفتح et l'imam Nawawi dans le majmou' on a cité sa parole. Dernière mas'ala par rapport à ces deux hadith, la yusam an al hayy fi hayatih. Tout ça bien sûr c'est pour le mort. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام. أما une personne elle a son père مثلا il est malade et il peut pas jeûner Ramadan, فهذا الحال et il peut se dire, je vais jeûner pour lui. Tant qu'il est vivant, là. S'il est vivant, là, là, il est au. Est-ce que ce mort, il doit nourrir des pauvres? C'est une autre mas'ala qu'on a vue. Et on avait vu que s'il est excusé, c'est pas obligatoire. S'il nourrit des pauvres, fatayib, kama fa'ala ba'du sahaba, amma l'obligation, fala yukallifullahu nafsan la wus'aha. Donc, c'est pour al-mayyit. Qala al-imam al-Nawawi, qala ashabuna wa ghayruhum, wa la yusam an ahadin fi hayatihi bila khilaf. Tu n'as pas le droit de jeûner pour un vivant bila khilaf. Dans tous les cas. Sawa un kana ajizan ou qadiran. Amma s'il a la capacité, enfin c'est wadih. Wahil la capacité, là qu'il ne faut pas siyam. Et un de ses proches, il veut rattraper pour lui alors qu'il est vivant. Là, s'il a la capacité, il doit jeûner, c'est wajib alayh. Amma l'ajiz, comme les vieilles personnes, comme les malades, fahaoula, ils nourrissent pour chaque jour un pauvre, c'est recommandé. Wa illa, ils sont excusés. Amma siyam pour eux, fala. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a un qawl, c'est permis, mais قول عامة أهل العلم في الصحيح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.